Cinquième partie, chapitre 5 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Cinquième partie, chapitre 5. Examen de l'état de l'âme par rapport à elle-même. Petit 1, quel amour avez-vous pour vous-même? Ne vous aimez-vous point trop pour ce monde? Si cela est, vous désirerez d'y demeurer toujours et vous aurez un grand soin de vous y établir. Mais si vous vous aimez pour le ciel, vous désirerez de quitter la terre, du moins vous acquiesceriez aisément à la quitter quand il plaira à notre Seigneur. Petit 2, réglez-vous bien cet amour de vous-même, car il n'y a que l'amour désordonné de nous-mêmes qui nous ruine. Or, l'amour réglé veut que nous aimions plus l'âme que le corps, que nous ayons plus de soin d'acquérir les vertus que toute autre chose, et que nous estimions beaucoup plus la gloire éternelle que l'honneur mondain et périssable. Un cœur réglé dit plus souvent en soi-même que diront les anges, si je pense à telle chose, qu'il ne dit que diront les hommes. Petit 3, quel amour avez-vous pour votre propre cœur? Ne vous fâchez-vous point de le servir en ses maladies? Hélas, vous lui devez ce soin quand ses passions le tourmentent. Il faut laisser toute chose pour cela et lui procurer encore les soins charitables des autres. Petit 4. Que vous estimez-vous devant Dieu? Rien sans doute. Or, vous ne devez pas vous en croire plus humble que si vous jugiez qu'une mouche n'est rien au prix d'une montagne, ou une goutte d'eau en comparaison de la mer, ou une étincelle de feu en la présence du soleil. Mais l'humilité consiste à ne pas vous préférer aux autres et à ne pas vouloir qu'on vous donne cette préférence. Où en êtes-vous sur cela? Petit 5. À l'égard de votre langue, ne vous vantez-vous point, ou d'une manière ou d'une autre? Ne vous flattez-vous point en parlant de vous? Petit 6. Quant aux œuvres, ne prenez-vous point de plaisir contraire à votre santé? Je veux dire, plaisir vain, inutile, poussé trop avant dans la nuit, etc. Fin du chapitre 5. Cinquième partie.